Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. Dernière matinée, cinquième matinée consacrée à l'historien Fernand Braudel, né en 1902 et mort en 1985. Eh bien, nous allons écouter une archive qui fut enregistrée l'année de sa mort, en 1985. Mais il s'agit en réalité d'un film, et il s'agit aussi d'un cours que Braudel donna sur le siège de Toulon en 1707 devant des élèves de 3e à Toulon. Le cours est filmé à l'époque par Gérard Martin, peu avant la mort donc de l'historien, et la réalisation de l'archive sonore est de Arlette Dave. Comment peux-tu porter la main de Fatma et la croix? La contradiction. Bonjour, toi. Tu es un bon élève, hein? Hein? Ah, tu vois. C'est le meilleur de la classe. Écoute, surtout, ne travaille pas trop. Si tu es un bon élève, il ne faut pas trop travailler. Il faut aller au cinéma, il faut se promener. Et vous, monsieur, vous étiez un bon élève? Moi? J'étais malheureusement un très bon élève, mais j'étais tenu par un père comme ça. J'avais un père mathématicien. Ah oui, oui, oui. Mais... Il enseigne nous. Comment? Il n'enseigne plus maintenant, mon pauvre ami. Mon père enseignait à Paris, était directeur d'école, d'une école communale à Paris. Mais il était très bon mathématicien. Mon frère aîné est entré à l'école polytechnique, mais avec moi, alors, il a dépassé la mesure. Il avait réussi avec l'aîné, alors avec le cadet, il allait beaucoup plus vite encore. Votre famille est une famille... Non, ma famille est une famille très modeste. Il y a des polytechniciens maintenant, tant et plus, mais il n'y en avait pas autrefois. Vous alliez à l'école de votre père? Non, non, parce que j'étais à l'école à Mériel, à côté de Paris, avec Gabin. Ah bon? Oui, on était tous les deux. Avec Gabin? Oui, avec Gabin lui-même. Et dans ce temps-là, il était rouquin. Il était, comme il disait, que de vache. On n'était pas un bon élève. Hein. Ce qui prouve qu'on a avantage à ne pas être un bon élève. Quelles études avez-vous fait? Mon pauvre petit, quand j'avais 20 ans, j'ai été agrégé d'histoire. Trois ans après mon bachot. C'est comme ça. À 20 ans, agrégé. Oui, dans ce temps-là, c'était possible. Maintenant, c'est plus possible. Et vous avez enseigné combien de temps? Eh bien, écoute, j'ai enseigné, je suis né en 1902. J'ai enseigné à partir de 1923 et j'ai pris ma retraite en 1972. Tu fais la différence, j'ai enseigné pendant 49 ans. Vous enseignez dans quelle classe à peu près? Écoute, j'enseignais, j'étais avant tout professeur de rhétorique supérieure. Mais j'étais professeur de terminale et j'avais toujours, au lycée Henri IV, j'avais une classe de 6e. Ça ne peut pas changer, hein? Non, la classe que je préférais à toutes, c'est la classe de 4e. Maintenant, j'ai été militaire pendant 7 ans. Pendant ce temps-là, je n'ai pas enseigné. Tous les Français de mon âge ont fait un long service militaire et généralement pas glorieux. Je vous disais qu'il y a un secret entre vous et moi, et c'est vrai. J'ai calculé qu'en dehors de vous, c'est-à-dire 25 personnes, plus votre professeur Gilbert Buti, personne ne connaît vraiment dans le monde entier le siège de Toulon. Et on nous dit que c'est naturel. Parce que le siège de Toulon n'a duré qu'un mois, de juillet à août 1707. Et que ça s'est perdu dans le passé il y a très, très longtemps. Et moi, je prétends que le siège de Toulon est beaucoup plus important qu'on ne le dit. Et j'essaierai de vous le démontrer. Et je dis, vive Toulon. Vive Toulon, et d'ailleurs, on a sur Toulon, on nous dit, c'est une petite ville. Bien sûr que c'est une petite ville. Elle a 20 ou 25 000 habitants. Mais en 1707, 20 ou 25 000 habitants... C'est déjà une ville importante. C'est une ville aussi importante qu'aujourd'hui avec 200 000 habitants. Enfin, c'est une question de proportion. Et nous avons sur Toulon des descriptions extrêmement intéressantes. On dit, c'est le maréchal de Tessé lui-même qui est arrivé plusieurs fois à Toulon, qui commandera l'armée française contre les Austro-Clémentais, qui nous dit, c'est un jardin. C'est beau un jardin. Et c'est un autre, je crois vous l'avoir déjà indiqué, qui nous dit, c'est plus qu'un jardin, c'est le paradis. Et d'ailleurs, si c'est un tout petit événement, je prends une loupe, je regarde l'événement, il grossit hein, quand on a une loupe, et on s'aperçoit que pour comprendre le siège de Toulon, on est obligé de mettre en cause la France entière, la Méditerranée entière, l'Italie, l'Allemagne, les provinces unies, c'est-à-dire la Hollande, la Belgique, c'est-à-dire les Pays-Bas espagnols, l'Angleterre, la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique, et même l'Amérique. J'essaierai de vous montrer que même l'Amérique. Cette France de 1707, c'est une France très particulière. On sait aussi que la France, de loin, a à peu près les mêmes limites qu'aujourd'hui, sauf trois régions. La France ne possède pas la Lorraine, ne possède pas la Savoie, elle ne possède pas non plus le comté de Nice. Cette France de 1707, c'est un royaume. Et le roi, vous le connaissez ? C'est Louis XIV. Et comment l'appelle-t-on quand même, quelquefois ? Le roi Soleil, c'est vrai. Mais ce n'est pas le Soleil dans sa jeunesse. Hein. Il est né, tu le sais, en 1638. Hein. Il a donc quel âge ? En 1707. Fais le calcul. Ah. 60, c'est vrai. Après, pas 70 ans, un an de moins, il a 69 ans. Il a 69 ans. Mais c'est un homme vigoureux encore. Et il fait son métier. Il fait vraiment bien son métier. Or, il y a dans les notes que votre professeur vous a distribuées un mot qui est un mot terrible. C'est Louis XIV, à la fin de sa vie, qui dit « J'ai trop aimé la guerre ». Croyez-vous que ce soit vrai ? Tu es d'avis que c'est vrai ? Oui. Tu n'as pas de pitié pour lui, d'indulgence pour lui. Le pauvre roi Soleil. Alors c'est de sa faute, il y a eu des guerres. Ah non, pas tout le temps. Hein ? Il y a les autres aussi. La France, elle est bien, elle est mal située. On a des voisins de tous les côtés. Hein ? On a descendu avec tous ses voisins, avec les Espagnols, avec les Allemands, avec les différents princes d'Italie, etc., etc. Et avec les Anglais, avec les Hollandais. Donc, la France de Louis XIV est en guerre, au moment où nous regardons les événements, depuis 1702. Est-ce qu'il y en a un parmi vous, suffisamment historien, et qui réfléchisse assez, pour me dire pourquoi la guerre de succession d'Espagne est la plus importante de toutes? Il y en a une, deux, trois, quatre. La quatrième est plus importante. Alors, qui répond se lève. Alors, je vous écoute. Déjà, si Louis XIV, il hérite de l'Espagne, il hérite aussi des Pays-Bas espagnols. Bon, c'est bien dit, mais c'est mal exprimé. D'abord, je te dirais, c'est la plus longue. Hein, et c'est la dernière. C'est la plus longue puisqu'elle commence en 1702, pratiquement même en 1701, se termine en 1713 et même 1714. Il y a deux traités pour terminer la guerre. Donc c'est la plus longue et c'est la dernière. Si c'est la dernière, elle s'ajoute aux autres. L'effet d'une guerre, ça dépend des guerres précédentes. Donc c'est la plus longue et la plus importante. Mais votre camarade a raison. Le roi malade d'Espagne, le roi catholique, Charles II, meurt en 1701 et il a peur que l'Empire espagnol ne soit démembré. Alors pour qu'il ne soit pas démembré, il a pensé à une solution qui est une solution désespérée. Il l'a léguée au petit-fils de son adversaire, c'est-à-dire au petit-fils de Louis XIV, c'est-à-dire au duc d'Anjou. Et au mois de novembre 1701, ce pauvre roi Soleil se pose bien des questions. Acceptera-t-il ou n'acceptera-t-il pas le testament de Charles II ? Parce qu'il accepte le testament de Charles II, l'Europe ne va pas accepter que la France se grossisse de l'Espagne, si bien que c'est la guerre. Et s'il n'accepte pas, on partagera l'Empire espagnol et ça sera également la guerre. Il a beaucoup réfléchi et puis finalement, il a accepté le testament. Il accepte le testament, mais aussitôt, il se trouve en guerre avec tout le monde. Et dès 1702, il y a contre la France ce qu'on appelle la Grande Alliance. De vous à moi, Louis XIV est responsable, mais n'est pas tout seul responsable. Et c'est une guerre extrêmement difficile. Et c'est une guerre qui va durer longtemps. Or, vous demandez-vous ce qui est important quand il y a une guerre qui dure ? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire des... Il faut avoir des soldats. Et pour avoir des soldats, qu'est-ce qu'il faut ? Hein ? Qu'est-ce qu'il faut absolument ? Oui ? Il faut des armements, oui. Et en plus. Il faut des vivres. Mais il faut encore plus, plus. Hein, je n'entends pas très bien. Il faut de l'argent. Qui a trouvé l'argent? Mais c'est parfait. Il faut de l'argent. Or, réfléchissez. La guerre de succession d'Espagne a un lien avec l'argent. Est-ce que vous le connaissez? Vous ne connaissez pas la ville de Saint-Malo? Si, il y a quelqu'un là-bas qui a été passer ses vacances à Saint-Malo. Oui, quand j'étais 5 ans, j'y suis allé, mais je ne me rappelle plus. Là, tu aurais pu tout de même réfléchir, hein, étant là-bas, t'informer. Les gens de Saint-Malo s'appellent les Malouins. Et les Malouins sont des marins extraordinaires. Or, ils profitent de l'union entre la France et l'Espagne pour aller en Amérique. Pourquoi vont-ils en Amérique? Non pas comme voyageurs, mais parce que, en retour de marchandises, ils rapportent de l'argent. Si bien que si la guerre de succession d'Espagne a duré, c'est que la France, d'une façon ou d'une autre, a été ravitaillée en argent, notamment par les Malouins. Deux mots pour les Malouins. Ce sont, parmi les Bretons, les meilleurs navigateurs que l'on connaisse. Or, pensez qu'il y a eu entre 60 et 70 bateaux qui ont fait le voyage de ce qu'on appelle la mer du Sud. La mer du Sud, c'est l'océan Pacifique. Ils traversent l'Atlantique, ils tournent la pointe sud de l'Amérique, c'est-à-dire le Cap Horn, ils arrivent dans le Pacifique qu'on appelle la mer du Sud, et ils négocient le nom des côtes du Chili et des côtes du Pérou. Et ils reviennent avec de l'argent. Et quelquefois, au lieu de revenir par le même chemin, ils s'en vont jusqu'en Chine, changent l'argent contre de l'or, reviennent par l'océan Indien, tournent au cou du Cap de Bonne-Espérance et reviennent chez eux. C'est fantastique. Or, tous ces voyages, aucun ne s'est terminé par des naufrages. C'est beau. Ils ont réussi, ça prouve qu'ils sont des navigateurs extraordinaires. Donc, voilà pour quelle raison la guerre de succession d'Espagne est parmi les plus importantes, qui soit la plus importante du règne de Louis XIV. Alors, si vous le voulez bien, nous allons aborder maintenant le problème qui me semble essentiel du siège de Toulon. Vous avez vu que, sous prétexte d'expliquer le siège de Toulon, Toulon c'est un point, il a été nécessaire de faire un voyage à travers le monde, c'est-à-dire un énorme cercle. Nous avons tracé un énorme cercle, devons regarder le cercle pour expliquer le point. Eh bien, le cercle, nous le laissons de côté et nous arrivons au point. Mais là, il faut absolument que vous m'aidiez. Il faut que vous m'aidiez parce que ça devient extrêmement difficile. Supposez que, c'est pas commode, nous soyons obligés de faire un film avec le siège de Toulon. Il faut choisir des acteurs. Il y a le maréchal de Tessé, je vais revenir sur lui dans un instant. Il y a le duc de Savoie, Victor Amédée, Vittorio Amedeo. Mais j'ai tort de l'appeler comme ça, parce que on parle à la cour de Turin, on parle français. Tous les documents d'archives de Turin sont en français. Donc il y a le duc de Savoie. Il y a aussi, je dirais, très important, le prince Eugène. Le prince Eugène, qui est un peu plus vieux que le duc de Savoie, c'est un personnage magnifique. Vous le connaissez? Le prince Eugène, il est le petit-neveu d'un grand personnage d'histoire de France. Sa mère s'appelle Olympe Mancini. Il est donc l'arrière-neveu de Mazarin. Curieux, hein? Et il est fils de la maison savoyarde, il est donc un parent du duc de Savoie. Et c'est un homme extraordinaire, de loyauté, d'intelligence. Et les hommes de guerre de ce temps-là, c'est pas comme les hommes de guerre d'aujourd'hui. On se bat, je dirais, face à face, on voit son ennemi. C'est bien qu'il a un sens précis, rapide, curieux sur le terrain. C'est un homme de terrain. Et c'est un homme, je répète, tout à fait sympathique, loyal. C'est tout de même pas toujours la règle. Donc, voilà le troisième. Mais il ne fait que traverser l'histoire du siège de Toulon. J'ai cité un quatrième personnage. Avez-vous gardé le souvenir? L'homme qui commande la mer. De Langeron. De Langeron. Il s'appelle Joseph de Langeron. Joseph de Langeron, on ne sait même pas quand il est né. Il est probablement né vers 1641. C'est donc l'un des plus vieux, pas le plus vieux. Le plus vieux, c'est le comte de Grignan, qui est le lieutenant général de Provence, qui lui a 75 ans. Et c'est le comte de Grignan qui sera le premier à armer Toulon. Il montrera une énergie extraordinaire. Mais Langeron, on en reparlera. Joseph Langeron, c'est quelqu'un de prodigieux. Alors, ces quatre personnages, il faut les présenter. Je laisse de côté Longereau, j'y reviendrai. Je laisse de côté le prince Eugène, j'en ai parlé. Il n'y en a plus que deux. Victor Amédée et le maréchal de Tessé. Le maréchal de Tessé, de deux choses l'une. Ou vous l'aimez, ou vous ne l'aimez pas. La plupart des historiens ne l'aiment pas. Toutes les méchancetés qu'on a prononcées sur lui, vous savez qu'on dit toujours des méchancetés les uns des autres, on considère le maréchal de Tessé comme peu intelligent. Le meilleur livre qui existe sur la question du siège de Toulon, qui est le livre de Pierre Dubois, Histoire de la campagne de 1707, lui, il aime le maréchal de Tessé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est historien? Faut-il être de ceux qui aiment ou de ceux qui détestent? Hein, à votre avis, oui ou non? Mais oui, il faut aimer, parce que quand on aime, on comprend mieux. Or, il le comprend, mais en même temps, il le juge. Il le montre intelligent, pétillant, très bon diplomate, ayant de l'esprit, ayant une présence, une vigueur extraordinaire. S'il est né en 1748, il meurt en 1725, c'est un dur à cuire. Il a d'ailleurs démontré qu'il était capable de se déplacer absolument comme un jeune homme. Mais il n'a qu'un défaut. C'est pas un bon soldat. C'est pas un bon chef de guerre. Enfin, chaque fois qu'il arrive, il met automatiquement la pagaille partout. Mais enfin, c'est pas parce qu'il n'est pas un bon chef de guerre qu'il ne gagne pas, puisque cette fois, il a perdu deux fois dans le passé, en 1704-1705, et en 1707, il va triompher. Il va triompher, mais vous verrez qu'il aura bien des ennuis par la suite. Reste Vittorio Amedeo. Le connaissez-vous? Non, peu. Eh bien, je vous donne le choix entre deux images du maréchal de Tessé. Le maréchal de Tessé disait « c'est un buisson d'épines ». C'est pas gay, hein. Et il disait aussi, mais j'adore cette expression, je sais pas si elle va vous amuser. Il disait « le duc de Savoie essaie toujours de mettre un pied dans deux souliers ». Qu'est-ce que vous préférez comme expression? Un pied dans deux souliers, hein. C'est difficile, hein. C'est pas commode. Mais est-il vraiment responsable? On dit, oh, il est ambitieux, il est susceptible, il est compliqué, il n'en finit pas d'hésiter, il est fourbe. Quand on est duc de Savoie, est-ce qu'on n'est pas condamné à être fourbe, à être astucieux, à être un buisson d'épines? Réfléchissez. Il est loyal, il perd tout. Il n'est pas loyal, il gagne quelque chose. C'est embêtant d'être duc de Savoie. Duc de Savoie, c'est comme aujourd'hui, est une toute petite puissance. Enfin, la Savoie, le Piémont, le comté de Nice, ça ne vous donne pas la maîtrise des Alpes. Parce que il y a les Français qui sont présents dans le Dauphiné depuis 1343, depuis longtemps, et qui depuis 1481, 83, 87, sont présents en Provence. Donc, ils ne possèdent pas toutes les Alpes. Du côté de l'Italie, il trouve les Espagnols, il va trouver les Autrichiens. Du côté de l'Ouest, il trouve les Français. Il est donc obligé toujours de ruser. Je me place du point de vue du duc de Savoie. Je ne fais pas de morale, hein, je ne fais pas de morale. Le duc de Savoie et la morale, ça ne va pas ensemble. Le duc de Savoie a le désir de s'agrandir. Il a les yeux plus gros que le ventre. Il voudrait manger la Provence. Toute la Provence. Alors, pour cela, il faut une armée. Il faut frapper à un moment convenable. Et pour avoir une armée, il faut absolument, on me l'a déjà dit de l'autre côté, il faut de l'argent, bien sûr. Or, qui distribue l'argent? Les Hollandais et plus encore les Anglais. Donc, il faut absolument obtenir de l'argent et il faut aussi obtenir l'intervention de la flotte. Alors, la flotte hollandaise et anglaise est en Méditerranée dès le mois de juin. Les Anglais et les Hollandais luttent contre les Français, mais les Français n'ont plus de flotte constituée. Enfin, au lieu de faire la guerre d'escadre, ils font la guerre de course. Pour la guerre de course à partir de Saint-Malo, à partir de Dunkerque et même à partir de Toulon. C'est-à-dire que l'État loue un certain nombre de bateaux à des entrepreneurs privés, comme Jean Bar par exemple, et avec les bateaux de l'État, ils font de la course sur les navires et les navires anglais. Et notamment les corsaires de Dunkerque gênent énormément le commerce de la Hollande et de l'Angleterre. Alors ils viennent en Méditerranée détachant des forces de la flotte générale qu'ils possèdent parce qu'ils ont un intérêt. Alors, vous avez des cartes devant vous, On va voir comment la guerre va se développer. Supposez que vous soyez le duc de Savoie. Vous allez essayer de tromper ce pauvre maréchal de Tessé. Le maréchal de Tessé se trouve à quel endroit ? Il se trouve dans le Haut-Dauphiné. Oui, vous trouvez sur cette carte-là, vous trouvez exactement l'endroit. Il se trouve à Oulx, c'est-à-dire qu'il se trouve, je dirais, presque au niveau de Turin. Il a dépassé les Alpes, il est là aux écoutes. Et il a peur que les troupes des Autrichiens, plus les Piémontais, qui se sont d'ailleurs renforcés par des troupes françaises de la débandade, parce que les Français ou les Suisses ont été battus en même temps que la Feuillade, se sont enrôlés ou ont été enrôlés dans l'armée piémontaise. Alors, il a peur qu'il y ait une attaque sur la Savoie ou une attaque sur le Dauphiné, et il est un petit peu surpris quand il apprend que l'attaque va se faire sur la Provence. Et alors, l'armée d'invasion va traverser un col, qui est le col qui va donner sur Nice. Comment s'appelle ce col ? Oui ? C'est le col de Tende. C'est le col de Tende. Et qui connaît la date à peu près exacte ? Le 1er juillet. 1er juillet 1707, il y a traversé du col de Tende, et les troupes piémontaises et autrichiennes, et allemandes, il y a beaucoup de soldats allemands, défilent les uns derrière les autres, avec derrière chaque section, non pas des voitures, les voitures ne marcheraient pas, mais des mulets, des bêtes de somme. D'ailleurs, ce qu'on appelle dans les Alpes les grandes voitures. Les grandes voitures, ce sont des mulets. Il y a donc des convois avec un millier de mulets ou 500 mulets qui se suivent les uns derrière les autres. Alors, qu'est-ce que vont faire les Français, les pauvres Français ? Savez-vous ce qui se passe dans une ville comme Nice ? Vous voyez bien Nice, c'est pas très loin du col de Tende. Et il y a un marquis qui commande pour la France, avec très peu d'hommes, qui tient la citadelle de Nice, qui tient la ville de Nice, qui tient le comté. Il s'appelle Monsieur de Sailly, le marquis de Sailly. Or, le marquis de Sailly a reçu des ordres. Et je trouve que ces ordres sont assez raisonnables. Il faudrait qu'il puisse défendre. Il y a un petit fleuve qui s'en va vers là, un petit fleuve qui donne son nom même à un département que vous connaissez. Le Var, hein. Et le Var est extrêmement gentil. Savez-vous ce qu'il a fait ? Il a inondé ses rives. Il est donc plus difficile à traverser que d'ordinaire. Et au mois de juillet, c'est assez curieux. Enfin, il a inondé. Il y a eu des pluies, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il déborde. Alors, le marquis de Sailly a disposé ses hommes derrière le Var, mais regardez la position du Var par rapport à Nice. Il est obligé d'abandonner Nice. Et il a essayé de construire des retranchements. Mais pour construire des retranchements, il faut une main-d'œuvre. Et comme il n'y a pas beaucoup de soldats, il a fait appel à ce qu'on appelle les milices. Les milices, ce sont des paysans que l'on mobilise quand c'est nécessaire. Alors, il les a mobilisés pour creuser des retranchements, il les a mobilisés pour gonfler ses troupes, mais savez-vous ce qu'on fait, ces méchants paysans provençaux ? Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Il faut bien se dire que la Provence est française depuis 2 siècles, mais les provençaux ne sont pas vraiment français. C'est comme cela. Il a fallu encore des années et des années pour qu'ils aient le sentiment, je dirais un sentiment nationaliste et patriotique. Donc, ils ne sont pas venus. Alors, dans ces conditions-là, il a battu en retraite. Voyez-vous, sur la bonne carte que vous avez, il n'a même pas défendu les défilés de l'Esterel. Voyez où se trouve l'Esterel ? Tout le monde y est. Puis il est arrivé un peu plus loin. On peut bien dire que le chemin est ouvert après, directement, jusqu'à Toulon. Or, il y a une chose qui me paraît extravagante, c'est que traversant le col de Tende le 1er juillet, traversant le Var, jetant des ponts sur le Var, vers le 7 ou 8 juillet, il n'arrive que le 21 et le 26 devant Toulon. Voyez-vous la raison ? Non. Comment se fait-il qu'il n'aille pas plus vite ? Ils ont eu beaucoup de pertes. Non, il n'y a personne ! Ils entrent dans ce qu'on appelle le ventre mou de la défense française. Il n'y a personne. Ils devraient aller très vite. Peut-être qu'ils voulaient prendre des villes. Non, ils n'ont pas voulu prendre des villes. Ils ont voulu s'entendre avec les villes. Or, les villes ont ouvert leurs portes, les villes ont livré des vivres, les villes ne se sont pas défendues, mais on a perdu son temps en cérémonie, et notamment à Fréjus. On a reçu le duc de Savoie avec Tédéum, etc. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qu'a fait le duc de Savoie ? Oui, Vittorio Amedeo. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est arrêté à Nice. Pourquoi, mon Dieu, s'était-il arrêté à Nice? Bah, il reprenait, c'était son bien. Nice appartient au duc de Savoie. Nice est un port aussi. Et dans le port de Nice, il y a la flotte anglo-hollandaise, mais bien sûr. Et il va discuter avec eux, avec l'amiral Chauvel, le pauvre amiral Chauvel. Mais qu'est-ce qu'il lui demande? Devinez ce qu'il lui demande. Hein? Les bateaux, ça c'est... C'est-à-dire qu'il demande à ce que l'on charge son artillerie lourde sur les bateaux, parce qu'on débarquera l'artillerie lourde au voisinage de Toulon. Bon, mais pourquoi reste-t-il si longtemps? La guerre, on m'a déjà dit deux ou trois fois la bonne réponse, la guerre, c'est l'argent. Or, il arrive à Nice et il demande aux Anglais de lui payer une certaine somme. Or, les Anglais ne veulent pas se démunir de l'argent qu'ils possèdent. Ils discutent, et le duc de Savoie n'est payé que le 13 juillet. Il a donc perdu, entre le 1er juillet et le 13, il a perdu plus d'une semaine. Et voyez-vous, c'est très mauvais de traverser un pays et de bien se conduire. Ce que je dis là est immoral. Enfin, l'armée d'invasion est une armée qui ne pille pas. Alors, puisqu'elle ne pille pas, elle est obligée de vivre de ses vivres, des vivres réquisitionnés, est obligée de perdre son temps. Et elle a fait à peu près du 10 km par jour. De Nice jusqu'à Toulon, il y a 150 km. Le résultat, ils ont mis plus de 15 jours. Et quand ils arrivent devant Toulon, eh bien Toulon a préparé sa défense et les troupes de l'armée d'Italie, depuis la Savoie jusqu'au Dauphiné, ont réussi à descendre. Oui, oh oui, mais le pauvre, on dit du mal du maréchal de Tessé, mais il s'est débrouillé. Hein. Il s'est débrouillé. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Vous commandez... C'est une armée fantôme, hein, c'est une armée misérable, une armée sans fusil. Et s'il va vous faire de la peine, sans souliers. Pas si vous vous représentez les choses. Faire des kilomètres et des kilomètres, pieds nus. Or, cette armée descend en direction de Sisteron, vous voyez, le long. Briançon, c'est sur la Durance, on suit la Durance, on arrive à Sisteron. À Sisteron, il y a un grand camp, on accumule en quelque sorte les troupes. Mais il a fait quelque chose de mieux, le maréchal de Tessé. Au lieu d'envoyer les fantassins, il a envoyé les cavaliers. Mais oui, il a envoyé les cavaliers. Non, il n'a pas beaucoup de cavaliers, mais il les a envoyés. Si bien que les Français sont arrivés, je ne dis pas plus tôt. Vous savez, on n'est pas tout à fait renseigné. Le 21 juillet, il y a assez de Français pour défendre la place de Toulon et les premières troupes piémontaises et autrichiennes sont arrivées face à Toulon. Le 26, le prince Eugène et le duc de Savoie, qui au fond voyagent ensemble, se sont rendus au sommet du Mont Faron. Vous voyez bien le Mont Faron. Et ce qu'ils ont vu les a découragés. Parce qu'ils ont très bien vu la ville. Ils ont vu que la ville s'était défendue et préparé sa défense. Nous allons voir dans un instant, c'est assez curieux, mais c'est bien fait. Si vous aviez été le prince Eugène, qu'est-ce que vous auriez fait? Les sportifs. Hein? Qu'est-ce que les sportifs feraient? Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Le dernier des derniers militaires le ferait. Eh bien, moi, voyez-vous ce que j'aurais fait. Hein, ce que j'aurais fait. Ben, j'aurais pris une partie de ma troupe, une troupe d'élite, je serais monté à travers le Mont Faron et j'aurais été derrière les lignes. Je crois que un maréchal de Tessé a constitué au nord de Toulon un camp. Alors ce camp, c'est un camp avec des retranchements. On a creusé, ce sont les paysans, ce sont les habitants, ce sont les gens des galères, ce sont les équipages des navires qui ont, avec une rapidité extraordinaire à partir du début du mois de juillet, qui ont constitué ce camp. Et c'est un camp qui barre la route, puisqu'on ne peut pas tourner le Mont Faron, qui barre la route de l'Ouest. On a également mis en ordre, on a eu raison de le faire, on a mis en ordre les remparts de Toulon. Les remparts de Toulon, c'était tout de même quelque chose de délabré. On a été obligé de refaire les fossés, on a été obligé de refaire les chemins couverts, et on a été obligé de refaire le dessus des remparts, les courtines. Ce détail va vous paraître tout à fait drôle. On a mis des canons sur les remparts. Mais quand on tire le canon de ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Eh bien, comme le haut du rempart est trop étroit, il recule et il tombe. Donc on est obligé de constituer derrière, d'apporter de la terre, de permettre le recul des canons. On a fait des travaux qui sont des travaux considérables. Mais ce qu'il y a de mieux, à mon avis, c'est la défense qui est organisée par la marine. Et c'est là qu'on retrouve notre ami Joseph, le marquis Joseph de Langeron. C'est un vieux de la vieille, insupportable, mais il a pris certaines précautions. Et parmi les précautions, je reviendrai dans un instant sur les autres détails qu'il a pu prendre. Il y a deux vaisseaux qui s'appellent l'un le Saint-Philippe et l'autre s'appelle le Tonnant. Le Saint-Philippe, c'est un bateau qui peut se déplacer, qui a certainement plus de 70 canons, 35 à bâbord, 35 de l'autre côté. Et quant au Tonnant, c'est un vieux bateau qu'on a coulé ici, au Mourillon. On l'a coulé sur la vase du Mourillon, parce que le Mourillon, ça servait à caréner les navires. C'est-à-dire qu'on échoue le navire, on le met sur le flanc et on brûle, on nettoie la coque, ça s'appelle caréner. Donc, on a mis le Tonnant, on l'a coulé sur la vase, on l'a entouré de vieux navires, de petits navires, on l'a palissadé avec du bois dur, et qu'est-ce qu'on a fait en plus? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait en plus? Mais c'est génial! C'est génial! Vive Langeron! Et sur la vase. Or, quand on fait effort sur ses ancres, il peut se déplacer, il peut tourner. Alors, il tourne, il présente les canons de bâbord, il tire, vous voyez bien où il est. Il revient de l'autre côté, et on a rechargé les bateaux, si bien qu'ils ne s'arrêtent pas. C'est monstrueux. Comment ça va-t-il se terminer? Le 15 août, les Piémontais et les Autrichiens savent qu'ils ne gagneront pas. Et la preuve en est donnée par un fait net, indiscutable, les troupes étrangères désertent. Et ils désertent parce qu'ils ne sont pas bien nourris, ils désertent parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils désertent parce qu'ils ne veulent plus se battre. Le 15 août, presque à la nuit, il y a une attaque générale des troupes françaises. Ils emportent la première ligne. Et au moment où ils veulent abandonner cette première ligne, ils ont remporté un gros succès, ils ont tué beaucoup d'ennemis, ils ont fait des prisonniers, ils ont perdu presque pas d'hommes. Alors ils battent en retraite, ils abandonnent les positions qu'ils viennent d'occuper. Mais les autres, les Piémontais, au lieu de réoccuper les lignes qu'ils avaient perdues, prennent des précautions pour protéger la seconde ligne. C'est-à-dire que, de toute évidence, ils ont perdu l'esprit d'offensive. Ils ont perdu l'esprit d'offensive et quelques jours plus tard, le prince Eugène et le duc de Savoie reçoivent les représentants de l'armée française. Vous connaissez ce détail? Non. Non? Oh, mais c'est un beau détail. Il y a donc une rencontre entre le prince Eugène et les officiers qui représentent l'armée française. Et ils décident d'échanger leurs prisonniers. Ça prouve que la bagarre est finie. Et le prince Eugène invite les officiers français à déjeuner ou à dîner, je n'en sais plus rien. Et le duc de Savoie fait la même chose. Et devinez ce qu'ils boivent. Oui, et c'est drôle. Vous ne trouvez pas que c'est drôle que ce soit du champagne? Parce que le vin de champagne est inventé à la fin du XVIIe siècle. Et son usage vient de se répandre. Et le duc de Savoie offre du champagne en disant « Je regrette, il paraît qu'il est moins bon que le champagne de Monsieur de Vauvray. Le Monsieur de Vauvray, c'est lui qui commande la place de Toulon. » Il y a donc échange des prisonniers. Et le 19, l'armée étrangère bat en retraite. Le malheur, c'est que notre pauvre maréchal de Tessé ne suit pas. Il ne poursuit pas. Il ne poursuit pas parce qu'il a du retard. Il a à peu près 8 heures de retard. Il n'a pas de cavalerie, il n'a pas de mulet, il n'a pas de voiture, si bien que les Piémontais et les Autrichiens battent en retraite à travers l'école de l'Estorel, à travers le comté de Nice. Savez-vous ce qu'ils font? C'est une armée en débandade. Et oui, ils pillent, ils pillent. Et les paysans qui n'avaient pas bougé lors de l'invasion se mettent à bouger terriblement, se jettent sur les fuyards. Il y a, si vous voulez, une guerre paysanne extraordinaire. Chaque fois que, d'ailleurs, les étrangers le peuvent, ils attrapent des paysans et ils les pendent aux arbres. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de très important? J'ai oublié les bateaux. Langeron a fait autre chose. Il y a, en cas de siège d'une ville, la première chose que l'on fait, c'est d'enlever les pavés. Parce que quand arrivent des boulets, les pavés se transforment en projectiles. Si bien que la ville de Toulon, qui a été dépavée, devient une ville immonde. Enfin, la boule, etc., on est enlisé dans la boue jusqu'à la cheville. Mais pour les bateaux, on les dématte et on les coule. Et quant à la flotte ennemie, elle a réussi à prendre quelques places fortes, ou plus exactement, quelques batteries autour de la Grande Rade, et avant de se retirer dans la nuit du 21 au 22 juillet, ils ont bombardé la ville. Mais ils ne l'ont pas bombardé n'importe comment. Il y a des goélettes, des navires qui sont légers, qui sont approchés de l'entrée de la petite rade et qui ont tiré sur la ville. Ils ont tiré avec des bombes. Des bombes, c'est-à-dire un boulet creux qui éclate. Alors ces boulets, ils éclatent quelquefois en l'air, ou ils n'éclatent pas, ils ne crèvent pas comme l'on dit, mais quand ils arrivent sur la ville, ils incendient les maisons. Et quand ils arrivent sur la Darse, c'est-à-dire le bassin, il y a deux bassins, la vieille Darse et la nouvelle Darse. Quand ils arrivent sur la nouvelle Darse, il y a des bateaux qui sont les uns à côté des autres. Vous savez que la Darse, c'est un bassin entouré d'une muraille. Et il y a un des bateaux qui se trouve brusquement brûlé, et brûlant dans la nuit, c'est vraiment, pour régler le tir, quelque chose d'admirable. Mais dès qu'ils ont bombardé la ville, Chauvel et les Hollandais s'en vont. Voilà l'histoire du siège de Toulon. Maintenant, il faut essayer de réfléchir. Est-ce que c'est un petit événement, est-ce que c'est un grand événement? Alors ça, il faut que je vous entende. Hein. Tout le monde a le droit de parler, mais pas ensemble. Alors, oui, le premier. Tu te lèves et tu parles fort. C'est un événement important quand même, parce que si les ennemis avaient réussi à prendre la Provence, ça aurait pu prendre des proportions assez importantes. Ah, c'est un historien, celui-là. C'est bien, c'est magnifique, c'est magnifique, tu as raison. Tu as raison. Au moins, c'est une victoire. On n'a pas perdu Toulon, on n'a pas perdu la Provence. On n'a pas été obligé d'interdire le chemin du Rhône et le chemin des Cévennes. Ça vous dit quelque chose, le chemin des Cévennes? Oui, oui, des protestants. On pouvait craindre un soulèvement protestant dans les Cévennes. Donc ça, vous avez raison. Il y a autre chose aussi. Oui? Ça devait être un événement assez important, puisque ça a mobilisé beaucoup de pays quand même. Oui, oui, mais ce n'est pas suffisant comme réponse. Ce n'est pas suffisant. Le prince Eugène, il a été de l'expédition. Et il a perdu en même temps que les autres. Il a été très élégant quand il a reçu, c'est la guerre en dentelle, quand il a reçu les officiers français. Mais enfin, il a perdu. Or, il avait avec lui une grosse cavalerie, il avait avec lui beaucoup de troupes, et ces troupes ont manqué, je dirais, aux ennemis de la France, dans la bataille essentielle, qui est la bataille du Nord. Et qu'est-ce que c'est que cette bataille du Nord ? La France est un carrefour de l'Europe, c'est son avantage et c'est son inconvénient, mais surtout, il y a une frontière qui est ouverte et par laquelle toutes les invasions se font dangereuses, c'est la frontière du Nord. C'est vrai en 1914, c'est vrai en 1940, c'est vrai à toutes les époques. C'est vrai au temps d'Henri IV, c'est vrai au temps de François Ier. Enfin, on part des Pays-Bas, on part de la Belgique, et on pointe sur Paris. Vous ne trouvez pas que, dans toute la politique française, il y a quelque chose que je trouve désagréable. C'est que la France ne joue jamais la mer. Elle la joue au temps de Richelieu, elle la joue au temps de Colbert, jouera aussi la mer au temps de Louis XVI. Mais d'habitude, on spécule sur la guerre continentale, on ne spécule pas sur la guerre maritime. Comment se fait-il que le gouvernement de Louis XIV ait abandonné la mer? Enfin, vous n'oubliez pas que Colbert est mort en 1783. Il a abandonné la mer. Pour quelle raison? Si l'on se met à la place de Louis XIV, et si l'on essaie de réfléchir et d'imaginer une autre politique française, il aurait été plus exact d'avoir 20 vaisseaux prêts à partir, à sortir de la grande rade de Toulon, que d'avoir cette armée qui arrive à marche forcée pour défendre la ville. Or, c'est une question d'argent, vous avez raison. Alors, puisque c'est une question d'argent, c'est de savoir si la France est suffisamment riche. Hein ? C'est bien le problème. Ou elle est riche ou elle ne l'est pas. La plupart des historiens prétendent que la France est épuisée en 1712, 1713, 1714. Je ne crois pas que ce soit vrai. Alors si j'ai raison, le gouvernement de Louis XIV a tort. Il aurait dû continuer son effort maritime parce qu'il y a un arsenal énorme à Toulon. Il était possible de s'endetter davantage et de reconstituer une flotte, de construire un certain nombre de navires. La France a constamment été prise entre son destin maritime et son destin terrestre. Elle a préféré le destin terrestre, sa noblesse, les armées, l'habitude de courir les aventures, etc. C'est cette noblesse qui est sympathique, ces officiers qui sont courageux. Mais la vie maritime est une vie difficile à construire. Elle est difficile à construire parce qu'on peut avoir une marine de guerre que si on a une marine ordinaire. Or, la France n'a pas une marine considérable. Enfin, on ne peut greffer la flotte que sur une flotte de commerce. À l'époque de Colbert, c'était très facile d'avoir une flotte de guerre. Il a eu une flotte de guerre, mais il n'a pas la flotte de commerce sous-jacente, comme la Hollande et comme l'Angleterre. La Hollande est toute petite et protégée par des lignes fortifiées qui valent celles de Vauban. Et quant à l'Angleterre, elle est protégée par le Channel, elle est protégée par la Manche. Ils sont donc dans des situations qui sont des situations meilleures que la nôtre. Et la France a un désavantage. Elle est sur deux mers, la Méditerranée et l'océan. Alors, où tu joues Brest, où tu joues Toulon, tu divises toujours par deux. La France, pour jouer son rôle maritime, aurait dû avoir doublé en quelque sorte ses effectifs. Même l'Espagne est mieux située. L'Espagne, elle a une flotte maritime, mais elle fait passer par Gibraltar, elle a une flotte dans l'Atlantique aussi. Donc nous, on est obligé de déplacer jusqu'au nord et du nord vers le sud. Et ça, c'est une infirmité. Oui. Plus que les Savoyards, ils entouraient Toulon. Comment ils ont fait pour se ravitailler, les Toulonnais, en eau et en vivres? En eau et en vivres? Non, là tu te trompes, les assiégeants n'ont jamais entouré, il n'y a pas eu de siège. Mais non, tu vois bien, tu vois bien qu'il y a seulement la ligne comme ça. Ils n'ont pas bloqué le port, ils n'ont pas bloqué les relations avec Marseille et avec Aix. Non, dans la ville de Toulon, on mange bien, il y a de la viande salée, il y a du pain, et l'on boit bien. On voit bien, le vin ne manque pas. Enfin, oui. Mais ils ne sont pas intelligents, alors s'ils n'ont pas tout bloqué autour. Parce qu'ils n'ont pas pu. Regarde la carte. Ils n'ont pas pu. Ils arrivent sur Toulon. Mais on leur a barré la route avec le camp au nord de Toulon. Les Français n'ont pas été raisonnables, n'ont pas été fair-play. N'ont pas laissé les gens arriver tout autour de la ville. Et même s'ils étaient autour de la ville, la mer est encore libre. Parce que la flotte anglo-hollandaise, elle est basée aux îles d'hier. Et puis, il y a le Mistral qui est un bon copain. Le Mistral souffre, si bien qu'il ne peut pas entrer dans la grande rade pendant longtemps. S'il a été si important, cet événement, ce siège, pourquoi on en parle si peu dans les livres? Parce que les livres ne sont pas toujours bien faits, même les livres d'histoire, même le livre de Michelet. Oui, mais écoute, ça arrive souvent. Enfin, on ne peut pas, sur le passé, qui est un passé énorme, avoir toujours le bon résumé, la bonne explication. Il est évident qu'un événement comme celui-là est très curieux et très significatif. Il est curieux parce qu'il implique, je dirais, l'ensemble du monde, tu l'as bien vu. Et en même temps, il pose les problèmes les plus profonds de la vie française. Est-ce que Louis XIV a fait beaucoup d'emprunts pour le siège de Toulon? Non, aucun. C'est-à-dire que c'est Debray, l'intendant de Provence, qui a fait des emprunts auprès des marchands de Marseille. Il a emprunté 500 000 livres. Un demi-million? Eh oui, 500 000 livres. Il l'a emprunté, c'est trop difficile à expliquer. Il l'a emprunté en piastres. Les marchands marseillais ont de l'argent espagnol, ils ont des piastres. Parce qu'ils se servent des piastres pour le commerce du Levant. Alors, avec la présence de la flotte hollandaise, il n'y a plus de commerce du Levant. Alors, les marchands donnent les piastres, et les piastres sont fondus en argent français, etc. 500 000 livres. Vous savez tout ça, puisqu'il n'y a pas de livre qui parle de ça? Viens voir, regarde, viens voir. Viens voir, mon petit mignon. D'abord, il y a des documents. Il y a des documents du ministère de la Guerre. Mais non, mais je vous en prie. Et vois ce travail. Il y a un travail magnifique. Tiens. Et ça, c'est ce que j'ai écrit dans un livre sur l'histoire de France. Vous avez écrit un livre ? Mais oui, bien sûr. Mais oui. Ça, c'est la note sur Langeron. Je vais te la donner, hein. Ça sera un souvenir. Ça se trouve dans... Ça, c'est en français. Bon. Oh, monsieur, j'y pense. Ah. C'est pas... Grave. Moi aussi, passe-moi un petit... Tant que j'y suis, moi... C'est quoi ça? C'est l'adresse d'un arrestant qui s'appelle Le Pied dans le Plat. Professeur? Mais ça... Au Collège de France? Oui, j'étais professeur au Collège de France jusqu'en 72. Et il y a... Maintenant, je suis à la retraite. Il y a bien d'autres questions, quand même. Je viens chercher les questions. Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Alors, tu as des questions à poser, quand même. Tu es d'accord, là? Tu es d'accord? Oui. Mais tu es content, quand même, qu'on ait repoussé les Austro-Piémontais? Oui. Non. Bon, je vois que vous m'avez donné votre avis, les uns après les autres. C'est parfait. Je vous aime bien. Je reviendrai la semaine prochaine. Non, vous savez que je vais remplacer maintenant votre professeur. Hein. Ah bon? Non, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Vous êtes adorable. J'ai rarement vu une classe avec une telle chaleur. Est-ce que ça vous a plu de nous donner un cours? Bien sûr, ça m'a plu. Ça me plaît toujours de voir des visages jeunes. J'ai toujours comme beaucoup. Le vôtre. Hein? Non. Tu sais que j'ai 84 ans. Hein. 84 ans, mais vous portez drôlement bien. Ouais, je me porte drôlement bien, mais je suis comme un jeune homme, mais c'est tout. Regarde comme elle se moque de moi. Elle qui est jolie. Hein. Est-ce que vous reviendrez à Toulon? Je ne crois pas. Hein. Nous venons d'écouter la leçon d'histoire de Fernand Braudel, un film en réalité réalisé à l'époque par Gérard Martin, peu avant la mort de l'historien, en 1985 et réalisé pour la radio par Arlette Dave. Dans quelques instants, nous irons boulevard Raspail à Paris à la Maison des Sciences de l'Homme. Nous gravirons les escaliers pour pénétrer dans le bureau de Fernand Braudel et là, en ce lieu, nous interrogerons le passé, le présent et le futur de cette grande maison. Traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. J'ai été aux prises avec des problèmes de mise en place j'ai superposé les échelles, ou je les ai utilisées les unes après les autres, et je pense que j'ai laissé comme cela, entre les images que j'ai données, enfin, des masses de faits, de réalités, de choses importantes qui restent dans la nuit et qui sont forcément, je dirais, une masse historique. Je ne nie pas du tout que ce soit une masse historique. Or, la curiosité que j'ai vis-à-vis de l'histoire profonde et de l'histoire longue, c'est que personne ne fait ce métier de scaphandrier pour aller voir ce qui s'y passe. La Maison des Sciences de l'Homme, histoire d'une maison, Fernand Braudel, fondateur d'institution. J'ai la prétention de vous expliquer le temps présent. Au-delà des circonstances que nous vivons, au-delà des remous qu'elles entraînent, et même de vous expliquer dans une certaine mesure ces circonstances et ces remous eux-mêmes. Grosse prétention, penserez-vous, et manque de modestie de ma part. Grosse prétention, car je suis mal placé, vous en conviendrez, pour apercevoir le monde. Si encore j'étais libre, si au moins j'occupais une place d'importance. Grosse prétention aussi parce que le monde est vaste et passablement compliqué, et qu'à parler franc, il n'est pas toujours très explicable. Au mieux, c'est à une très longue entreprise que je vous convie. Mais cette prétention, en fait, s'appuie sur une très grande confiance. Et le voyage auquel je vous invite n'est pas absolument neuf, ce qui diminue son charme, mais aussi ses risques, car bien des étapes en ont été exactement reconnues. Une très grande confiance ? Quelle confiance ? Celle que je mets dans l'histoire, outil de connaissance, instrument de mesure, non pas peut-être l'histoire de vos souvenirs scolaires, car tout a changé depuis lors. Vous, tout d'abord, et elle aussi, bien plus que vous ne le supposez. L'histoire que j'invoque est une histoire neuve, impérialiste et même révolutionnaire, capable pour se renouveler et s'achever de mettre à sac les richesses des autres sciences sociales, ses voisines. Une histoire, je le répète, qui a beaucoup changé, qui s'est singulièrement avancée, quoi qu'on dise, dans la connaissance des hommes et du monde, en un mot, dans l'intelligence même de la vie. Fernand Braudel, conférence à l'Orflac de Mayence, 1940-1944. Nous sommes ici dans la pièce même où Fernand Braudel a pris son premier repas en rentrant de captivité, le 27 mai 1945. Il est arrivé en France le 26 mai et dès le 27, Fernand Braudel était reçu par Suzanne et Lucien Febvre dans ces lieux mêmes. Brigitte Mazon. Et pendant toute la captivité, entre Mayence et le camp de Mayence et le camp de Lübeck, Fernand Braudel a envoyé aussi régulièrement que possible à Paris ses cahiers de la Méditerranée qu'il écrivait pratiquement sans notes, avec cependant quand même des ouvrages qu'il pouvait se procurer dans les bibliothèques allemandes qu'on lui apportait dans son camp. Et Lucien Febvre corrigeait ses cahiers. Il y apportait petite griffe personnelle. Il avait déjà, vous le savez, orienté dès 1930, enfin juste à la fin des années 20, le recentrement du sujet de Fernand Braudel, qui au départ était Philippe II, l'Espagne et la Méditerranée. Et Lucien Febvre lui avait suggéré de déplacer son sujet, de prendre la Méditerranée pour centre. Et cette thèse, sur laquelle il travaillait depuis une bonne dizaine d'années, lorsqu'il s'est retrouvé en captivité, il l'a envoyée donc à Lucien Febvre. Et nous avons ici un de ses cahiers, qui est une des moutures. Vous avez deux cahiers, en fait, sur lesquels on peut lire sur la première page « La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, au flag 10 ». À Lucien Febvre, en témoignage respectueux et filial affection, il y avait déjà la dédicace et s'est envoyé en 1941 ou en 1942. La préface a été rédigée maintes fois, retouchée par Fernand Braudel, et il pensait, en 1942, avoir déjà mis un point final à sa thèse, qu'il a bien évidemment complètement remaniée jusqu'à sa publication en 1949. Alors, on voit ici... Page de gauche, page de droite, des ratures, et des est-ce ratures. Que ce sont des reprises à gauche ou... Alors, des reprises de Fernand Braudel lui-même, mais ici, un certain nombre de suggestions de Lucien Febvre, qu'on peut voir peu de choses. Hein. Ici, d'accord. Sur la page de gauche, par exemple, on voit ici renforcer ce passage, écrit au crayon bleu, l'écriture de Lucien Febvre, qui met un certain nombre d'annotations. Et lorsqu'il recevait ses cahiers, Lucien Febvre éprouvait une joie indicible. Il l'écrivait à Fernand. Il lui écrivait, je peux vous citer même ici... Donc les fameuses cartes. Voilà, ces fameuses cartes. Et Lucien Febvre écrit par exemple, le 14 novembre 1941, très cher, en ce qui concerne vos papiers reçus au sujet, deux envois successifs, d'abord quatre cahiers de thèse, puis une vingtaine d'autres, coupures et notes. Envoyez tout ceci à Thiaret. Thiaret, c'est là où se trouvait Paulette Braudel, où Madame Braudel y travaille. Elle me l'écrit sur lettre reçue hier. Et à la lecture de ses cahiers, il lui écrit le 29 décembre 1941 à l'Oflac de Mayence, « Ami, de tout cœur à vous, plus que jamais, maintenez-vous en bonne et ferme santé. Plus que jamais nous avons besoin de vous. Plus que jamais nous comptons sur vous. Réalisez-vous ce que me donnent de joie vos cahiers. Il ne s'agit plus de promesses, il s'agit de réalisation. Que les hommes de mon âge puissent voir la relève assurée par vous et ils termineront en paix leur vie tragique et tourmentée. » Fernand Braudel a été sûrement un des hommes qui ont le plus compté pour moi, de façon intellectuelle, professionnelle et personnelle. Jacques Le Goff. Auprès de lui, ou à cause de lui, j'ai même eu, je dirais, plusieurs chocs importants de ma carrière. Le premier choc vient de 1948, si je ne m'abuse. J'étais encore élève à l'école normale supérieure et le bruit se répand très vite qu'un livre extraordinaire vient de paraître qui opère un véritable renouvellement de l'histoire. C'était le livre de Fernand Braudel, « La Méditerranée » à l'époque de Philippe II. Donc la Méditerranée au XVIe siècle. Je le lis, je suis en effet subjugué, et puis arrive un second choc, c'est que nous apprenons que Fernand Braudel a été nommé président du jury d'agrégation d'histoire, et il se trouve que je suis candidat à l'agrégation la première année où il préside le jury. Tout de suite, nous sommes à la fois enthousiastes de nous trouver plongés dans ce qui apparaît comme un grand changement dans le regard historique, mais en même temps un peu inquiets, comme on dit, d'essuyer les plâtres. Fernand Braudel n'était pas, à cette époque, universitaire au sens technique, si j'ose dire, du terme, puisqu'il enseignait dans cette école dont nous avions beaucoup entendu parler, que j'avais bien sûr l'intention de fréquenter un jour, mais... où, pris par les cours que nous devions suivre, soit à la rue d'Ulm, soit à la Sorbonne, nous n'avions guère le temps d'aller. Je veux parler de ce qui s'appelait à ce moment-là l'école pratique des hautes études. Je pense que d'autres auront dit qu'il s'agit d'une institution créée par le dernier ministre de l'Éducation nationale. Je pense qu'on disait l'enseignement public à ce moment-là, de l'empereur Napoléon III, en 1868, Victor Duruy, qui était lui-même un grand historien de l'Antiquité et qui avait désiré créer un lieu de formation à la recherche et à la réflexion historique qui soit, je dirais pas seulement différent, je dirais presque aux antipodes de l'enseignement magistral de la Sorbonne. Je vais te dire un mot de ce qu'était le modèle de l'école pratique, qui lui est beaucoup plus ancien. Hein, c'est à la fin du Second Empire que Victor Duruy a eu l'idée, comme on fait souvent dans le système universitaire français, on ne le réforme pas au centre, mais on le réforme par les marges, ou on ajoute des pièces par les marges. Jacques Revel. A eu l'idée d'introduire en France un type d'enseignement de haut niveau, d'érudition, selon les critères de l'époque, qui s'inspirait du séminaire à l'allemande, alors qu'en France, ce qui dominait, c'était le cours public devant un public relativement indifférencié. Et c'est pour ça que cette école était pratique, on se réunissait autour d'une table, un enseignant et de jeunes chercheurs en formation, et on amenait, dans la mesure du possible, le matériel sur la table, et on montrait comment on faisait de la recherche. Alors, ce modèle, il a été mis en œuvre dans des sciences de la nature, ce sont les trois premières sections de l'école pratique, qui sont en fait un réseau de laboratoires. Et puis, après la défaite de 70, quand l'histoire a été investie pour une part de la revanche, a été créée une quatrième section des sciences historiques et philologiques, une cinquième section, une quinzaine d'années plus tard, au moment des tensions religieuses, une section des sciences religieuses, qui au fond est le préalable de la séparation de l'Église et de l'État. Et puis il y avait le projet en vague d'une sixième section des sciences économiques et sociales, qui hésitait entre une formule de formation aux choses de l'État, quelque chose entre Sciences Po et les écoles d'administration à venir, et une formule plus scientifique prenant les sciences sociales au sérieux. Les sciences sociales qui naissent comme discipline académique à la fin du 19e et qui se complètent dans la première moitié du 20e siècle. La sociologie, ça naît très difficilement dans les années 1890. La première chaire de sociologie, c'est 1927. Tout ça est une percolation très longue. L'ethnologie, c'est encore beaucoup plus lent. La démographie, tout autant. Bref, il y a quelque chose qui cherche sa formule. Et puis ensuite, il y a eu l'autre enfant de Lucien Febvre, qui est la sixième section de l'école pratique des hautes études, qu'il a créée en 1947 avec Fernand Braudel comme secrétaire de cette section et Charles Morazet ainsi que Gabriel Lebras. Donc cette création en 1948, Lucien Febvre, en tant que président, lui donne toute son inspiration intellectuelle. Il est le concepteur de la première affiche de la sixième section, mais Fernand Braudel prend cette institution en main comme un formidable entrepreneur. Et Fernand Braudel s'entoure de deux hommes, deux adjoints extraordinaires qui sont Clemens Seller et Louis Vollet. Et dans cette construction institutionnelle qui est entre les mains de Fernand Braudel, même si l'inspirateur est Lucien Febvre, Fernand Braudel a cette force de savoir déléguer. Ce que peut-être Lucien Febvre a eu du mal à faire, le contexte était différent. Lucien Febvre était un homme de revue, l'homme qui a aussi travaillé, qui a été le directeur scientifique de l'Encyclopédie française, mais il n'avait pas de staff opérationnel pour piloter ces grandes entreprises. Or, Fernand Braudel a su, lui, s'appuyer sur des équipes. Et c'est lui qui prend ensuite en charge cet autre enfant de Lucien Febvre, qui est la sixième section de l'école pratique des études, à laquelle on va rendre visite tout à l'heure, je suppose. Il me reste beaucoup de Braudel. Il me reste d'abord le fait qu'il m'a amené à convertir tout récit et toute histoire en problématique. Marc Ferraud. Autrement dit que, alors que jusqu'à Brodel, le récit était l'aboutissement, si je puis dire, d'une étude, à partir de Brodel, et pour moi au moins, le récit est devenu le point de départ d'une analyse, ce qui est tout à fait différent. Donc je n'exclus pas le récit, mais il me sert d'instrument, étant entendu qu'un récit est très vulnérable, parce qu'avec les mêmes sources, on peut faire trois récits. Donc c'est d'abord ça qui m'a appris. Ensuite, il m'a appris à croiser les points de vue. Alors quand, par exemple, j'ai fait mon premier film sur la guerre de 14, en 64, dans 30 ans d'histoire, et qui m'a dit « c'est formidable, Marc, mais c'est de l'histoire événementielle ». Alors je lui ai dit « oui, monsieur, mais vous aussi, vous en faites. L'histoire du poivre, c'est de l'histoire événementielle. L'histoire du pouvoir, etc. » Et là, il a admis, mais en fait, lui, il se servait de croisement d'histoire événementielle pour construire quelque chose d'autre. Donc il m'a appris ce deuxième trait-là. Et puis surtout, il m'a appris à chercher toujours des approches novatrices. Alors là, c'est, je peux dire que je lui ai été fidèle puisque je n'ai rien fait de ce qu'il faisait lui. Je me suis attaqué, si je puis dire, au cinéma comme source de l'histoire et comme instrument historique. J'ai traité de thèmes interdits les révolutions, n'est-ce pas, la révolution russe, etc. Et en vérité, il m'en a pas du tout voulu, au contraire, il était ravi. Et alors, pire que tout, si j'ose dire, quand j'ai fait mon Pétain, n'est-ce pas, il a voulu en faire une préface, puis il l'a pas faite puisqu'il est mort à ce moment-là, mais il m'interrogeait tout le temps. Et il me disait, qu'est-ce que tu as trouvé de neuf sur Pétain? Je lui disais, je vous répondrai pas, ce serait de l'histoire événementielle. Il m'est arrivé un soir, à l'intérieur de l'état de Bahia, d'être pris brusquement au milieu d'une montée prodigieuse de lucioles phosphorescentes. Elles éclataient partout, sans arrêt, plus ou moins hautes, innombrables, en gerbes au sortir des taillis et des fossés de la route, comme autant de fusées trop brèves pourtant pour éclairer le paysage avec netteté. Ainsi, des événements, ces points de lumière, au-delà de leur éclat, plus ou moins vif, au-delà de leur propre histoire, tout le paysage environnant est à reconstituer. La route, les broussailles, le hautbois, la latérite rougeâtre du nord brésilien, pulvérulente, les déclivités du terrain, les rares véhicules qui passent et les bourricots, bien plus nombreux avec leurs grosses charges de charbon de bois, enfin les maisons proches et les cultures. D'où la nécessité, voyez-vous, de dépasser la frange lumineuse des événements qui n'est qu'une première frontière, souvent, à elle seule, une bien petite histoire. C'est au Stalag que lui est venue l'idée de la longue durée de l'histoire, en ce sens qu'il se disait, nous avons subi en quelques jours une défaite, mais l'histoire du pays est grande, longue, et il retrouvera sa grandeur. Et d'après lui, c'est comme ça que l'idée de la durée en histoire, il l'a en quelque sorte fait sourdre de l'attente de la libération. Donc la longue durée serait née d'un accident de l'histoire qui a été le sien comme prisonnier en Allemagne. Je pense que, d'une part, le fait d'avoir vécu en Algérie pendant plusieurs années... C'est la première fois qu'il sortait de France. C'est la première fois qu'il voyait la mer quand il la traversait. C'est un provincial lorrain. Et d'autre part, d'avoir vu la Méditerranée de l'autre côté, c'est-à-dire d'avoir rompu avec les habitudes perceptives qui font que nous la regardons d'en haut et qu'elle n'a pas la même forme vue d'en bas, ont été fondamental à son projet, comme l'a été quelques années plus tard l'expatriation vers le Brésil, où il dit j'ai su ce que c'était qu'un grand espace. Je pense que il dit même plus, il dit c'est au Brésil que je suis devenu intelligent. Pourquoi il est devenu intelligent? Parce qu'il a vu des choses qu'il comprenait pas et qu'il s'est donné du mal pour essayer de les comprendre. Alors je pense que l'expatriation, que s'il avait fait ce livre en France, en restant en France, avec quelques incursions dans les archives espagnoles et italiennes, ça n'aurait pas été le même. Brigitte Mazon, vous êtes archiviste. Nous sommes ici, boulevard Raspail, dans cette fameuse maison des sciences de l'homme. Et vous avez devant vous là, un article de combat, une page jeunesse université. La maison des sciences de l'homme va enfin sortir de terre, datée du 8 juin 1966. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison? Là, je veux parler de, à la fois de l'architecture et du projet. Tout d'abord, il y a eu un voyage aux États-Unis en 1962 d'une équipe que Fernand Braudel a envoyée aux États-Unis pour observer les constructions américaines. Et c'était en 1962 et avec les architectes français. Et ils en sont revenus avec d'abord une conception de l'air climatisé et cette architecture de fer et de verre avec l'ossature à l'extérieur du bâtiment et ses volets métalliques. On est à ce moment-là, au moment de la conception du bâtiment, qui donc remonte, l'idée remonte au milieu des années 50, et c'est la naissance au sein de la 6e section de l'école pratique des hautes études, des études sur, au début on avait dit sur le monde contemporain, et c'est devenu ère culturelle, dans une version francisée de ce qui se passait aux États-Unis. Et francisée parce que tout de suite est intervenu, les historiens sont intervenus dans ces problématiques. Pas simplement les sociologues, les anthropologues, mais aussi et surtout les historiens. Donc ces aires culturelles, les premières à être intégrées dans les programmes de la 6e section, c'était la Chine, la Russie, l'Afrique noire, le Japon, le Maghreb, qui ont constitué des pôles de documentation avec des bibliothèques de recherche spécialisées qui étaient installées dans les étages avec une trémie centrale. L'architecture du bâtiment, vous l'avez aussi sur cette maquette là que j'ai sous les yeux. Donc ce parallélépipède, au centre, on a même ici un plan de l'époque, ce centre aveugle était destiné à recevoir des collections de ces fameuses aires culturelles. Et puis il se trouve qu'au fil des ans, la résistance au sol n'a plus été suffisante. Et ces centres de documentation, en tout cas leurs bibliothèques, ont dû être délocalisés. Et d'ailleurs, les archives ont occupé la place des livres, je dirais, dans ce centre du bâtiment, ce centre aveugle qu'on appelle les trémies. C'est un terme architectural que personnellement je n'ai rencontré qu'ici. Et trémies avec cette notion de ces espaces aveugles reliés à la bibliothèque centrale au premier étage par un mont de charge. Donc une trémie, ce sont ces espaces reliés entre eux. Braudel était un grand enseignant libre. Je suppose qu'il a fait, quand il était avant la Seconde Guerre mondiale, des cours de type classique, mais moi je me souviens, les premiers séminaires de Braudel auxquels j'ai assisté dans les années 60, c'était une espèce d'épopée, ça partait dans tous les sens, c'était très riche, et puis on s'accrochait aux branches, en tout cas, moi j'étais un apprenti, je savais pas grand-chose, donc je m'accrochais aux branches, mais je devais pas être le seul. Vous vous souvenez un peu du contenu, des thèmes? Oh, quand j'y suis allé, c'était des problèmes d'histoire méditerranéenne, dont il commençait, je pense, à se désintéresser. Mais il avait... Et tout, dès le départ, accepter des tâches. Il a été, pendant 3 ans ou 4 ans, au début des années 50, président du jury d'agrégation, ce qui était à l'époque, aujourd'hui ça n'a plus aucune importance, mais une position très importante, et plusieurs des grands historiens de la génération au-dessus de la mienne, disons, la génération Furet, Le Goff, Agulon, sont passés sous les fourches brodéliennes autour de 1950. Il a beaucoup investi, et probablement plus qu'aucun de ses prédécesseurs et peut-être de ses successeurs, dans l'institutionnel. Alors, les gens qui ne l'aiment pas disent qu'il a construit un empire, ce qui est vrai ou pas vrai, mais les empires ne durent pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a pris au sérieux le jeu institutionnel, c'est-à-dire que, avec Fèvre, puis sans Fèvre, il a imaginé une institution dont les modes de fonctionnement seraient profondément différents de ce qui existait dans l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord l'organisation de la recherche collective. L'école des hautes études, la 6e section, n'a pas été le seul endroit. Ce modèle s'est mis en place, mais c'est probablement en sciences sociales l'endroit où cela s'est fait de manière la plus visible et la plus résolue, ce sont les années où le CNRS se met en place, lentement. Et au fond, l'idée de ce qu'on appelle ici des laboratoires, alors ça n'a généralement pas grand-chose à voir avec un laboratoire de physique, c'est-à-dire les gens ne sont pas tous les jours derrière une paillasse, mais l'idée au fond de rassembler des chercheurs autour de programmes et de fabriquer un profil de chercheur professionnel, elle se concrétise assez tôt, autour de 1950, et largement en association avec le CNRS, qui offre de nouvelles ressources. Alors, 10 ans plus tard, ce modèle a migré vers les universités, donc il a été moins original qu'il n'était, mais ça a été un moment très, très important. Le second aspect, c'était, là, il était fidèle à ce qu'était la mission de l'école pratique, de former de jeunes chercheurs, c'est-à-dire de recruter librement, sans obligation de nombre, et à travers le contact direct, puisqu'à l'époque, ce sont des petites choses, ce sont des petits effectifs. Moi, j'ai été élève à la 6e section au milieu des années 60, on était 4 autour d'une table. Et pour apprendre quelque chose, c'est idéal. C'est luxueux, mais à l'époque, l'université, c'est pas tant de monde. Bref, une espèce d'artisanat ingénieux qui s'est révélé très efficace et que Brodel a flanqué de ce qui était souhaitable, c'est-à-dire des éditions qui ont permis de faire connaître les résultats de cette recherche. Alors, c'est une époque dorée, on pouvait publier n'importe quoi et probablement de l'invendable, mais personne n'y faisait attention. Ça matérialisait un effort collectif. À l'origine, l'école des hautes études était une institution qui enseignait la recherche. Alors, il faut le préciser parce qu'on a fini par l'oublier. Les universités enseignent aux étudiants, le CNRS fait de la recherche, le Collège de France enseigne au public et l'école des hautes études enseigne la recherche. Donc, il y a 4 fonctions très différentes et nous nous y sommes tenus. Concrètement, puisqu'on enseigne la recherche, ça veut dire qu'on ne fait pas de cours. On apprend à chercher. Et pour vous donner un exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire le mien, je n'ai jamais fait un cours sur la Révolution russe à l'école des hautes études. N'est-ce pas ? Je faisais des séminaires sur le cinéma, où je découvrais des méthodes nouvelles d'analyser les films, par exemple, n'est-ce pas ? Ou l'intérêt du film comme information, ou la différence entre la fiction et le documentaire, etc., etc., etc. Mais chaque séance, c'était quelque chose d'autre. Il n'y avait jamais de répétition, si bien qu'on pouvait très vite être à bout de souffle. Et je suis sûr que beaucoup de mes collègues sont à bout de souffle. Et moi, si je n'ai pas été à bout de souffle, c'est parce que j'ai changé de, je dis souvent d'épouse, à défaut d'autre chose, disons de thème. Après la Russie, je suis passé au cinéma, après je suis passé aux colonies, après je suis passé à Pétain. Donc j'ai changé, donc j'avais toujours de la nouveauté à créer, alors que d'autres restaient trop étroitement sur leur champ d'Herbrodet à changer lui aussi. Donc c'était ça la fonction de l'école, c'était d'enseigner comment on cherche pour trouver des nouvelles méthodes et faire progresser la science de la connaissance historique, c'est-à-dire de l'intelligibilité des problèmes historiques, et pas du récit, bien sûr. Alors, à partir de là, moi je me suis aperçu aux annales que dans les années 70, au début, n'est-ce pas, que chaque chercheur qui m'apportait un article, au fond, inventait une discipline. Alors, il y avait l'anthropologie archéologique, il y avait l'archéologie, etc. Il y avait, et même, à un moment, pour faire une blague, j'avais préparé un séminaire de sémiologie intertextuelle. Ça, c'était pour emmerder les élèves de Barthes qui faisaient de la sémiologie, n'est-ce pas, et qui regardaient les autres de haut. Donc moi, je faisais de la sémiologie intertextuelle puisque je comparais texte écrit, images et compagnie. Bon, donc chacun apportait une science ou une discipline ou une technique ou une pratique nouvelle. Et beaucoup, si je puis dire, voyaient ça de cette façon. Par exemple, Le Goff ne faisait plus sur l'affiche des cours d'histoire. Il faisait des cours d'anthropologie historique. Alors, si je lui demandais la différence, ça pouvait prendre du temps, n'est-ce pas ? Annie Becker, Annie Besse, qui a écrit sur le communisme. Elle faisait de la sociologie du communisme, alors que c'est une historienne, comme vous et moi. Donc, il fallait inventer une nouvelle discipline qui était une nouvelle approche, si je puis dire, des domaines qui, d'habitude, on aurait qualifié d'historiques. Donc, voilà quel était le principe. Et pour Braudel, il ne fallait pas raconter la vie de Pierre le Grand. La vie de Pierre le Grand, on connaît. Donc, Braudel ne recrutait que ceux qui avaient une idée nouvelle, une pratique nouvelle ou un champ tout à fait nouveau. Et c'était comme ça qu'il sélectionnait des gens. Et leurs titres importaient peu. Il a nommé, par exemple, Goldman directeur d'études, alors qu'il avait toujours le Bachot, et même pas. Et puis, il en avait bien d'autres dans ces conditions. Il faisait voter les gens, et les gens votaient sans problème. Et après 68, donc il y a eu du tangage. Il y a eu du tangage au moment où Braudel, d'ailleurs, se trouvait aux États-Unis. Donc, il n'a pas participé aux événements de mai 68. Il en a eu l'écho de loin. Et le tangage à l'école ne visait pas spécialement Braudel en tant que personne. Mais ça visait la structure hiérarchique de l'institution qui a été un peu gérée comme un État. Alors, il y a eu un mouvement général dont vous vous rappelez sans doute, en 68, chez tout le monde, chez les chercheurs, et notamment, sinon chez les directeurs d'études, au moins chez ceux qui étaient en dessous, et qui avaient des propositions tout à fait novatrices. Par exemple, je me rappelle une réunion, n'est-ce pas, où une jeune femme, chercheure en Afrique noire, disait que maintenant, les directeurs d'études se servaient du sang de ceux qu'ils avaient formés, ils n'avaient plus rien à dire, donc c'était les élèves qui devaient devenir directeurs d'études. Et les directeurs d'études passaient à la retraite. Et on voulait voter une motion là-dessus, par exemple. Vous voyez. Donc il se passait des choses tout à fait intéressantes. Autre chose intéressante, pendant la crise de mai, les grands penseurs de l'époque étaient des ombres qui rasaient les murs. Je me rappelle Lévi-Strauss, je me rappelle Roland Barthes, je me rappelle Raymond Aron, qui n'osaient plus se présenter en public. C'était des nouveaux qui incarnaient la révolution des libertés, etc., etc. Il y avait entre autres Jean-Pierre Péter, il y avait Moscovici, il y avait quelques autres. Mais enfin, disons qu'ils n'étaient pas forcément contre Braudel. Moscovici, le père. Le père, bien sûr, le père. Alors, il y a eu un grand moment de tourment. Et quand Braudel est venu, il a vu ce que De Gaulle aurait appelé la chienlit de l'époque, n'est-ce pas, à l'école des hautes études. Et il y a eu des séances de bureau, de réunions des directeurs d'études, où il y a eu du tangage, et où c'est le calme et très diplomate Charles Monrazé qui prenait les choses en main, avec un art consommé de la diplomatie. C'était l'homme le plus diplomate que j'ai connu dans ma vie, n'est-ce pas ? Il réussissait à calmer tout le monde par un propos souvent peu intelligible, mais toujours à des fins soporifiques telles et avec une telle tendresse dans les yeux que tout le monde, à la fin, se taisait, l'écoutait, et on ne savait plus ce qu'on avait décidé. C'était un génie de l'embrouille, n'est-ce pas ? Mais qui avait un grand talent, n'est-ce pas ? Ses livres sont des livres géniaux, et Braudel l'estimait beaucoup. Braudel m'avait toujours dit, quand tu seras aux annales, méfie-toi, un tel c'est le poison, je vous dis pas le nom, un tel c'est la dague, je vous dis pas le nom, mais Morazé, c'est un prince. C'est du cristal, jamais il ne fera du mal à quelqu'un. Et c'était vrai. Donc, c'est Morazé qui a plus ou moins calmé les débats, et je me rappelle que moi-même, qui étais 68ard, mais pas contre Braudel, bien sûr, contre tout, comme tout le monde, je me rappelle que il me demande mon avis, et moi, je lui dis, écoutez, monsieur, peut-être que maintenant, le président ne pourrait être élu qu'une seule fois. Qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Il n'a pas trop voulu, mais ce jour-là, je me suis vu à la porte, franchement. Donc, il y avait ce moment, et à partir de ce moment-là, l'école a un peu changé parce que les accords conclus avec Edgar Faure et avec les ministres de l'époque ont fait de la sixième section l'école des hautes études, proprement dite, n'est-ce pas ? Qui est devenue un peu plus une université. On a préparé, non pas à la licence, mais au doctorat, etc. Donc on est un peu plus rentré dans le rang au point qu'il y a deux ans, ou il y a un an, un étudiant disait, mais pourquoi à l'école des études, on n'étudie pas uniquement à nous enseigner la recherche? On avait oublié qu'on devait enseigner la recherche. Chacun devenait un prof, vous voyez, est devenu un prof, il y a 10 ans, il y a 5 ans, encore aujourd'hui, qui raconte l'un ceci, l'autre cela. Donc on a perdu une partie de notre identité. Nous allons monter, donc nous allons passer par le centre, j'imagine. Par là. Oui. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de le cliquer. Alors, le bureau c'est... était à quel étage? Alors, Fernand Braudel s'est installé ici en 1969, dès l'achèvement de la construction du bâtiment, et il s'est installé au deuxième étage, dans la partie de la maison des sciences de l'homme. Donc là, nous sommes au premier. Qui est l'étage de la bibliothèque? Avec toutes les revues. Ici, c'est la grande bibliothèque de la maison des sciences de l'homme. Donc nous sommes au deuxième étage. Vous avez vu cet escalier avec ces deux volets qui permettent des rencontres aussi dans l'escalier, de longues conversations entre les marches. C'est le principe des escaliers des châteaux de la Loire, de certains. Ouais. Donc nous sommes ici au deuxième étage, qui est occupé par les bureaux de la Maison des sciences de l'homme. Et... Fernand Braudel était installé ici. Donc à partir de 1969, et c'est actuellement devenu le bureau de l'administrateur Michel Gavorka. Il parlait peu de ses racines. Il les évoquait, c'est sûr. Mais ce n'était pas un homme à confidence. Sauf sur l'époque où il était prisonnier. C'est un homme qui parlait d'histoire. Alors là, oui, n'est-ce pas ? Et il s'est précipité sur ma garde 14 pour surveiller si elle n'était pas trop vénémentielle, contrairement au film que j'avais fait en 64. Et il était content puisqu'il a corrigé les premières pages. C'était sa manière de dire sa satisfaction. Il corrigeait. Et en 3 pages, ça n'en faisait plus qu'une. Il avait un don d'écriture qui était extraordinaire, qu'il m'a enseigné d'ailleurs, que j'ai appris depuis un peu, j'espère, je crois, à savoir condenser et tout en gardant le rythme. Alors qu'en général, c'est long, ça traîne et tout, et lui, il coupe, n'est-ce pas ? Et tous ses textes, d'ailleurs, étaient comme ça. Il écrivait, puis il coupait, puis il reprenait son texte numéro 2, qui devenait le numéro 3, encore plus court, etc. Mais c'était sur l'histoire. C'était pas sur sa vie personnelle. Sa vie personnelle, c'était l'histoire. Et sa vie personnelle, c'était de conquérir pour l'histoire une domination mondiale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Alors, il ne le disait pas comme ça, mais c'était la réalité. C'est-à-dire, maintenant, nous avons gagné le Chili. C'est-à-dire que c'est un homme des annales qui enseigne à Santiago du Chili. Nous risquons de perdre l'Allemagne. Mais heureusement, nous avons Kellen Benz, n'est-ce pas, qui est sur l'histoire économique, qui est très bon, mais à Mayence, on n'a personne. L'Europe de l'Est, on s'en occupe grâce aux Polonais. Donc, il avait cette manière, n'est-ce pas, comme Philippe II, de maîtriser le monde et de mettre presque des petites croix ou des petits drapeaux là où il y avait des historiens de l'école des annales. Surtout, n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls dans cette recherche. Les sciences du social nous tiennent compagnie, constituée hier, mais impérialiste, elle aussi, vigoureuse, désireuse de se donner de l'air et tendue de façon plus scientifique et plus claire que nous vers les buts qu'elles se sont assignés. Plus scientifique que l'histoire, mieux articulée qu'elle par rapport à la masse des faits sociaux, elles sont, entre différences, délibérément centrées sur l'actuel, c'est-à-dire sur la vie. et toutes elles travaillent sur ce qui peut se voir, se mesurer, se toucher du doigt. Immense supériorité. Les géographes étudient la société dans ses rapports avec l'espace, l'étudier dans ses formes vivantes, primitives ou balbutiantes, telle est la tâche des ethnologues et des ethnographes. Ceux-ci préoccupés du détail des descriptions, ceux-là attentifs aux lois générales en la matière. Le statisticien étudie la société sous l'angle du nombre, le lot des économistes de la considérer sous l'angle du doit et avoir, au travers, comme dit l'un d'eux, de l'acte à titre onéreux. Au juriste revient l'étude des idéaux du droit et des lois pratiques sans quoi il n'y a pas de société. Reste au sociologue la reconnaissance des mécanismes sociaux considérés en eux-mêmes, donc les plus profondes et les plus incertaines prospections. Nous voulons seulement dire, assez vite, ce qu'elles apportent à l'histoire. Elles travaillent sur l'actuel, avons-nous dit, tout en ayant chacune leurs sections anciennes. Or, dans notre travail centré sur le passé, n'avons-nous pas des tâches analogues aux leurs ? Historiens, nous devons être par surcroît géographes, économistes, juristes à notre propre compte. Pour les sociétés d'hier, nous avons aussi à nous préoccuper de ce qui a duré, du permanent, donc en partie de l'actuel, de ce qui dure au-delà des changements si multiples ou si graves qu'ils soient, de ce qui dure au-delà d'un incident, d'une période et au-delà de cette toute petite chose si révélatrice pourtant qu'est une existence à l'échelle du monde et du temps. Avec un décalage chronologique qui complique tout, il est vrai, mais qui n'altère pas entièrement la nature des choses, nous avons, répétons-le, les mêmes tâches que nos voisins. Nos méthodes ne sont pas les leurs, mais nos problèmes, oui, bien. Inventaire des différences, mais aussi désir de faire converger les sciences sociales, et qui n'est pas sans rapport à l'époque avec le souci de rendre compte de la réalité sociale totale. C'était même une expression qu'employait Fernand Braudel. Oui, c'est une expression que Braudel et beaucoup après lui ont employée ou déclinée sous diverses formes. Aujourd'hui, on dirait global, mais lui disait plus volontiers total. C'est très lié là encore à une conception qui me paraît proprement française. Il y avait au fond une sorte de willful thinking qui consistait à dire les sciences de l'homme sont en conflit permanent, en désaccord méthodologique, et en même temps elles ont vocation à converger. Et c'est pas un hasard si pendant longtemps en France on a dit « science de l'homme » plutôt que « science sociale ». Pourquoi ? Parce que ces sciences avaient un objet commun, l'homme social, dont on ne sait pas forcément quoi dire ou dire grand-chose, mais qu'il était dans le projet de ce concert disciplinaire de mettre au jour. Alors, en quoi c'est original ? Si vous reportez 50 ans plus tôt, chez Durkheim, l'unité des sciences sociales, c'était la méthode. Ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, l'impérialisme durkheimien consistait à dire, il y a une démarche scientifique qui est éprouvée, c'est celle de la sociologie, et les historiens, les géographes, les économistes, les psychologues deviendront de vrais savants le jour où ils adopteront les règles de la méthode sociologique. Il y a une série de polémiques illustres au début du siècle, du XXe siècle, qui répète cela à l'envi. Dans la génération des annales, les deux premières générations des annales, et en cela, Braudel colle au programme qui était celui de Fèvre et Bloch, l'unité, ça n'est plus la méthode, c'est l'objet, c'est l'homme. Et l'idée d'une histoire totale, c'est dire, on va aborder cet objet sous tous les angles possibles. Alors, je pense que c'est un projet qui a été extraordinairement généreux, qui n'existe probablement plus, mais qui a été très fort, qui a été très porteur, celui d'une vision holistique. Braudel lui a donné une coloration particulière, puisqu'en plus, Son premier objet scientifique, c'était une mer, et son deuxième grand objet scientifique, ça a été le monde. Ça s'y prêtait, mais lorsqu'il est revenu sur la France, dans les 20 dernières années de sa vie, c'était le même programme qu'il avait en tête. La France, c'est tout ce qu'on peut dire sur la France en multipliant les points de vue. Alors, c'est une démarche qui a des précédents. Je pense que c'est très, très fidèle, par exemple, à ce qu'était la démarche d'un géographe comme Vidal de la Blache, qui a eu beaucoup d'importance pour sa pensée. Fernand Braudel pensait que le savoir, les idées, devaient s'échanger, progresser, à travers plusieurs moyens. Il y avait donc l'école des hautes études, combinaison entre la recherche et l'enseignement. Mais il y avait aussi la revue Annales que Lucien Febvre avait fondée avec Marc Bloch en 1929, dont il était devenu à leur mort le directeur, et qui est une revue, je crois pouvoir dire, qui a profondément contribué à cette histoire nouvelle, qui est une histoire qui, d'une part, a un caractère mondial, qui ne se limite pas à une série d'histoires nationales, mais à toutes les civilisations, à tout ce qu'il appellera plus tard les aires culturelles, et qui, d'autre part, est une histoire pluridisciplinaire dans laquelle l'histoire progresse. Dans ses échanges, dans ses discussions avec la sociologie, l'anthropologie, l'économie. Ce qui fait que nous avons, je dirais presque, l'idéal d'une nouvelle renaissance et où l'histoire serait centrale. Parce que Braudel a toujours pensé que dans ce groupe de sciences humaines et sociales, comme on les appelait, l'histoire était fondamentale parce que non seulement elle obligeait à parler de tout, mais elle s'efforçait d'expliquer ce qui est essentiel pour comprendre le monde social, le monde technique, le monde des idées, qui est l'évolution dans le temps. Marc Bloch avait donné une définition que Fernand Braudel faisait entièrement sienne. L'histoire, c'est l'histoire du changement des hommes en société. Qui est, je crois, une très très belle définition et qui me semble, je dois le dire, toujours valable. En 1972, Fernand Braudel quitte ses fonctions de professeur au Collège de France, puisqu'il est atteint par l'âge de la retraite, il a 70 ans, et il pensait à l'époque continuer à garder ses deux casquettes d'administrateur de la Maison des Sciences de l'Homme. Il avait quitté la direction des Annales depuis un moment, administrateur de la Maison des Sciences de l'Homme et président de la 6e section. Et puis le ministère lui a fait comprendre que ce qui était valable pour ses prédécesseurs à l'école pratique des hautes études, c'était plus du tout au goût du jour, et un professeur du Collège de France à la retraite ne pouvait pas être président d'une institution universitaire. Donc en 72, il quitte ses fonctions de président et il est ici comme administrateur. Et c'est Jacques Le Goff qui prend sa succession comme président de la 6e section, qu'il va transformer en école des hautes études de sciences sociales en 1975. Et à ce moment, la relation entre Fernand Braudel et son successeur devient difficile, tendue, parce qu'il est très difficile à Fernand Braudel de laisser son œuvre, une partie de son œuvre, qui était cette expansion fantastique de cette 6e section. Donc Fernand Braudel est installé dans ce bureau, Jacques Le Goff est installé au 8e étage de la partie du bâtiment dédiée à la nouvelle école des hautes études en sciences sociales. Et la Maison des sciences de l'homme est le gérant de l'ensemble de l'immeuble. La 6e section, devenue école des hautes études en sciences sociales, a installé ces centres de documentation, ici, dans les étages, et bénéficient de quelques salles de cours qui sont, bien évidemment, devenues beaucoup trop exiguës pour le nombre d'étudiants qui va croissant. Et elle s'installe ensuite boulevard Raspail, au 105 boulevard Raspail, puis au 96 boulevard Raspail, avec son amphithéâtre et un certain nombre de salles de cours et de bureaux. Donc c'est le campus, c'est devenu le campus Raspail. Personnellement, que gardez-vous de l'œuvre et de l'héritage de Fernand Braudel pour vous ? Alors, c'est une question compliquée parce que, bon, comme tous les gens de ma génération, j'ai le sentiment d'être né dans le braudelisme. Ça a été très puissant, ça a été assez vite remis en cause. Non pas l'œuvre de Braudel, il serait ridicule de... Mais les idées directrices de la recherche, pour un certain nombre d'entre nous, ont changé. Le projet de Braudel est inséparable d'une conception très optimiste du savoir historique. À savoir que nous fabriquions tous les pièces d'un mur dont nous ne savions pas quelle forme ils auront, mais dont nous ne doutions pas qu'à la fin il existerait, ou qu'il y aurait une maison de la science. Et au fond, c'est l'idée qui est derrière le projet d'une histoire globale ou d'une science globale. Alors ce modèle optimiste, je pense qu'il a vacillé ou qu'il a été mis en cause dans le courant des années 70. Pour des raisons, je dirais, internes et externes. Internes, parce que en histoire, puisque c'est ma discipline, mais je pense que c'est vrai pour les autres, comme ailleurs, il y a une loi des rendements décroissants et que parfois il n'est pas utile de savoir à 98% ce qu'on sait à 94%. C'est-à-dire l'input diminue. Ça, c'est les raisons internes que je résume très, très grossièrement. Les raisons externes, c'est que, comme dans la société autour de nous, l'optimisme méthodologique ou épistémologique, dans le cas des sciences sociales, qui était celui des 30 années d'après la guerre, qui par moments côtoyait le scientisme, c'est des faits. C'est-à-dire que le niveau d'attente que nous mettions dans nos projets scientifiques ou dans nos résultats n'a plus été le même parce que nous vivons dans des sociétés qui sont moins sûres d'elles-mêmes, dont l'avenir est plus brouillé, pour dire le moins. Donc le présent est plus fragile et le passé plus incertain. Alors ça, c'est ce que Poimien a appelé la crise de l'avenir. C'est quelque chose qui réagit aussi sur les historiens, parce que les historiens vivent dans des sociétés qui les dépassent, et qui les informent et auxquelles ils sont sensibles. Donc le projet braudelien, je pense, qui n'est pas seulement le projet de Braudel, mais cette idée d'une grande ambition globale, c'est fissuré ou... En tout cas, il a perdu de son caractère d'évidence. Est-ce que vous pensez que Fernand Braudel était conscient de cette crise de l'avenir que vous venez d'évoquer ? Je pense pas, ou en tout cas pas sous la même forme. Parce que c'était un homme d'une autre génération, dont l'expérience historique, considérablement plus riche que la nôtre, n'était pas la même. Il a toujours eu la conviction, il l'a écrit plusieurs fois, que les sciences de l'homme vivaient dans un état de crise permanent. Il a même une phrase assez étrange et assez touchante. Et il dit, au fond, c'est l'histoire qui est la moins prétentieuse ou la moins arrogante de toutes les sciences de l'homme qui peut leur servir de langage commun ou d'horizon commun. Mais cette modestie et ce sentiment d'une crise qui avait des effets institutionnels, Brodel est quelqu'un qui a dû bricoler une institution, ce qui n'est pas rien, qui avait des aspects scientifiques, et Brodel a entretenu à longueur de vie discussions avec les économistes, avec Lévi-Strauss du côté de l'anthropologie, etc. Il savait bien que ça n'était pas facile. Mais il avait cette conviction forte que, au fond, il y avait un point de convergence. Il a fait beaucoup pour que cette convergence se réalise à travers des dispositifs institutionnels et scientifiques. Je pense que les gens d'une génération et demie plus jeune ou deux générations plus jeunes n'ont plus cet optimisme ou portent un regard critique sur ce projet ou, disons, le mettre entre parenthèses en attendant. C'est-à-dire que on est passé d'un modèle de l'asymptote, on ne sait pas quand ça se fera, mais ça se fera, à un modèle de construisons autre chose. Et c'est ça qui me paraît caractériser les sciences sociales depuis les années, depuis la fin des années 70. Non pas qu'elles se tourneraient le dos, mais qu'elles estiment qu'au fond, elles ont quelque chose à se dire pour autant qu'elles sont différentes. Vous savez, c'est comme en électricité, pour que le courant passe, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. Ben, il est possible, en tout cas, c'est l'avis de quelques-uns dont je suis, que plutôt que l'idée d'une intégration des sciences sociales, la prise en considération de ce qu'elles ont de particulier dans leur manière de faire, dans les objets qu'elles se donnent, soit un moyen de donner du relief à leur domaine de recherche. Oui, à partir d'une photographie de l'école et aux études en 86-87, juste quelques mois après la mort de Fernand Braudel, nous avons ici, donc, sur ce marque-page, les portraits de, je vais vous les citer, tels qu'ils ont été organisés sur ce marque-page, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida, Marc Auger, François Furet, Roger Chartier, Pierre Bourdieu, Lucien Bernot, Jacques Vernant, Gilles Van Stein, Vachetel, Ballandier, Françoise Héritier, Isaac Kiva, Georges Condominas, Maurice Godelier, Germaine Tillon, Marc Barbu, Ignace Issax, Guénery, Pierre Vidal-Naquet, Alain Touraine, Dominique Schnapper, Claude Lefort, Louis Marin, Maurice Aymar, Jean-Claude Schmitt, Clément Seller, Jacques Le Goff et Charles Morazet, le survivant des pères fondateurs en 1986, le dernier des quatre grands qui ont fondé la 6e section d'École pratique des hautes études. Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. Sont intervenus au cours de ce documentaire sur Paris et la Maison des Sciences de l'Homme, Brigitte Mazon, Jacques Le Goff, Jacques Revel, Marc Ferraud et François Hartog. Texte de Fernand Braudel lu par Claude Aufort. Prise de son, Arthur Gerbeau, Lidvine Caron, Marc Garvenès, Pierre Monteil. Mixage, Benjamin Vignal. Attaché de production, Diane Lamant. Réalisation, Franck Lilin.